premier pas dans ce monde. Et déjà la flamme consume la chandelle de ma vie. Seconde après seconde à chaque souffle, chacune de mes actions présentes et futures, dans chacun de mes songes. Au bout du chemin la tombe, Dieu l'a voulu ainsi pour nous autres. J'attends le jugement ici bas comme tous les autres. Cette vie est un test, pas un dessous où tu recommences quand ça foire. Prisonnier de nos actes faussés par le destin. Tant qu'il y a de la vie, y a de l'espoir. L'espoir d'être présent le lendemain. Écrivant nos histoires, poussés par la page gain. Illicite comme ligne de conduite, contraire aux lois divines. Différent de celles des hommes. Qui s'en inquiète à part le musulmane, personne. Inexorablement le temps s'écoule. Et comme tant d'autres, j'accumule les fautes. Et de ce fait rempli de ratures, le compte rendu de ma vie. Compte à rebours lancé, on se veut rassurant. Jeune et en bonne santé, chaque jour passé à courir derrière l'argent. Jamais rassasié, on se dit qu'on a le temps. Et pourtant, nous sommes tous des morts en sursis. Compte à rebours lancé, on se veut rassurant. Jeune et en bonne santé, chaque jour passé à courir derrière l'argent. Jamais rassasié, on se dit qu'on a le temps. Et pourtant, nous sommes tous des morts en sursis. Combien connaissent le 10 de chute? Combien de langues de pute? Combien de mecs défoncés en viennent à pisser dans leur fute? Combien de joueurs de flûte? Combien d'instru qu'on culbute? Combien d'MC on égorge avec des lyrics de brut? Combien de mes potes trim? Combien de basses besognes nous abîment? Combien de palettes et de mortiers veulent nous pousser au crime? Combien vivent du haram? Combien battent leurs fils et leurs femmes? Combien mènent des vies droites en dépit de la chaleur du macadam? Combien d'alcool je peux boire? Combien de fois la tease ma haga? Combien de types qui ont test ont fini dans le caniveau du bar? Combien de mecs en qui j'ai confiance? Combien d'amis d'enfance? Combien s'occuperont de mon gosse si je termine entre quatre planches? Combien d'armata affichés? Combien crient béni boumaillé? Combien de joueurs je respecte pour avoir leur maillot trempé? Combien de genoux à terre? Combien ont vécu en enfer? Combien t'appellent mon frère et te poignarderont par derrière? Quand à rebours lancé, on se veut rassurant. Jeune et en bonne santé, chaque jour passé à courir derrière l'argent. Jamais rassasié, on se dit qu'on a le temps. Et pourtant, nous sommes tous des morts en sursis. Quand à rebours lancé, on se veut rassurant. Jeune et en bonne santé, chaque jour passé à courir derrière l'argent. Jamais rassasié, on se dit qu'on a le temps. Et pourtant, nous sommes tous des morts en sursis.